remets-toi demain. Purée les sales coups, les sales rapes toxés en satin. Du soir au matin, on trouve ça cool d'aller crier sur les toits, qu'on s'en passe, qu'il en découle. Même ça peut nous couler, pas me saouler. Projecteur quand la foule nous voit les poulets. Sorti du même moule, le flouze, on veut tous la poulet. Car tous les jours et chaque semaine, c'est la même rengaine. Omniprésence policière, quelque sur la scène. Dans la cellule, c'est rapidement qu'elle nous y amène. Et c'est même pas la peine, tu te la ramènes ou il te malmène. Quand tu signes ou tu saignes, tu le sais. On est loin d'être soudés, tous prêts à se dessouder. On veut de l'action et des deniers, on croit à l'excitation. Incitation à se débaucher. Jour à jour de la vie, c'est tout ce qu'on veut. Suivre le bon parcours comme beaucoup d'épaves d'art jusqu'en retour. Tenter sur la ligne droite, éviter les détours. Chez lui y'a pas que de la haine, y'a aussi de l'amour. Joueur de la vie, c'est tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, ouais c'est tout ce qu'on veut. Joueur de la vie, c'est tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Ouais c'est tout ce qu'on veut. Au lieu d'être crédit, on joue les mains, tu veux, on se dédie. À donner le bâton pour être battu. Ceci parce que l'on croit être assujetti à tous ces actes commis d'office. On se l'impose comme une torture, un putain de supplice. Prémisse du pire des vices comme leitmotiv. Délire, délit, délice, alcool et cannabis. Loin d'être passif, on persévère, on assiste. Nos vies en pâture pour les médias généralistes. Qu'ils focalisent que sur le rédorbatif. À notre actif, violence, tristesse. Il faut pas que ça nous blesse, mais laisse. Cet état de fait, on dépasse, on le délaisse. Il voudrait quoi? On se rabaisse pour des vies à bas prix. Alors que jouer un jour de la vie, dans ce monde, plus que tout. C'est nos sens qu'on abonde, plus qu'une seconde. Ouais, c'est tout ce qu'on veut. Jouer un jour de la vie, c'est tout ce qu'on veut. Suivre le bon parcours comme beaucoup d'épaves d'art jusqu'en retour. Quand t'es sur la ligne droite, éviter les détours. Chez nous, y'a pas que de la haine, y'a aussi de l'amour. Jouer de la vie, c'est tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Ouais, c'est tout ce qu'on veut. Jouer de la vie, c'est tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Ouais, c'est tout ce qu'on veut. Commande de boxe. Tiens non, retour vers le futur.